وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans l'explication. On est aujourd'hui dans le cours 66 dans l'explication de عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. On expliquait hier les choses au sujet de, on a commencé le sujet de la foi en les anges, hein, qui est le deuxième pilier parmi les piliers de la foi. Et donc on, la dernière chose qu'on avait mentionné, c'est le fait que Jibril alayhi salam s'est manifesté au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa forme angélique, sa forme réelle, et tandis que il avait 600 ailes, hein, et qui couvraient l'horizon. Et il s'est également présenté à Maryam, hein, rahimahullah wa radiyallahu anha, sous la forme d'un homme parfait. Donc il avait la forme d'un homme parfait. Et il dit ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, il parle justement de l'ange Jibril, l'ange Gabriel, lorsqu'il s'est présenté à Maryam. Il dit فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. Donc qu'est-ce qu'il explique maintenant, le cheikh, il dit que yani l'ange s'adressa, hein, il adressa la parole à Maryam, et Maryam a également adressé la parole à Jibril. Donc ils se sont échangés des paroles. Et également Jibril est apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec les compagnons, hein, et il avait l'apparence d'un homme que personne ne connaissait dans la ville, et il n'y avait sur lui aucune trace de voyage, hein, parce que quelqu'un qui voyage, habituellement on voit sur lui les traces du voyage, hein. Ses vêtements, ils vont être avec de la poussière, et puis on va voir sur lui les signes que c'est quelqu'un qui est voyageur, tu vois, surtout à cette époque-là. Toutefois, il n'avait aucune trace de voyage sur lui. Ses vêtements étaient d'un blanc éclatant et ses cheveux étaient noirs foncés. Habituellement, quand quelqu'un voyage, ses cheveux sont remplis de poussière et ses vêtements sont remplis de poussière. Mais lui, il n'avait aucune marque sur lui. Ses vêtements étaient blancs, hein, très blancs, et ses cheveux très noirs. Et il s'est assis au prophète, devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a enligné ses genoux sur les genoux du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et il a adressé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a parlé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé aussi. Donc ils se sont échangés des paroles. Et le hadith à ce sujet, il est célèbre, c'est le hadith de Jibril. Et il dit que il a informé ensuite ses compagnons du fait que c'est celui qui était venu les voir et qui leur avait parlé, c'était Jibril alayhi salam, c'était l'ange Gabriel. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin, il explique ce passage-là. Il dit قَوْلُهُ فَخَاطَبَتْهُ وَخَاطَبَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لأهب يعني لأعطيك بدون ممازجة وبدون مخالطة. فهنا صار خطاب بين جبريل ومريم وشاهدته وكأنه بشر وكأنه بشر. الشيخ يقول que Mariam a adressé la parole à Djibril et Djibril a adressé la parole à Mariam. Donc ils se sont parlé. Et ce dialogue est mentionné dans Sourate Mariam, les versets 17 à 19. Donc on va lire les versets 17 à 19 avec leur traduction. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: elle mit entre elle et eux un voile, et nous lui envoyâmes notre esprit, Djibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit: je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche pas. En voulant dire, ne m'approche pas. Il dit: je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et le cheikh, il explique que lui faire don, c'est-à-dire sans mélange, sans qu'il y ait de mélange ou sans qu'il y ait de aucun rapport. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé dans Maryam sans qu'il y ait aucun mélange, aucun rapport. Et il dit... Fahuna Sara, donc ça c'était un dialogue entre Djibril et Maryam, et elle l'a vu sous forme humaine. Elle a vu Djibril sous forme humaine. Ensuite, elle dit, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, en expliquant la suite par rapport au hadith de Djibril et la venue de Djibril lorsqu'il est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit: كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور ومعروف وهو مشهور معروف. C'est un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, ou rapporté selon Omar ibn al-Khattab par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith très connu, très célèbre. Et il dit ensuite: فإن قال قائل كيف نوفق بين كون الملائكة يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من عالم الغيب؟ فالجواب: الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة، فالأصل أنهم لا يظهرون وهم من عالم الغيب، وكذلك الجن الأصل أنهم من عالم الغيب، ومع ذلك قد يشاهدون. فالأشياء النادرة لا حكم لها. Donc le cheikh, on lui a posé la question, ou bien il mentionne cette question là il dit: si quelqu'un nous pose la question, comment pouvez-vous faire un accord entre le fait, ou comment pouvez-vous raccorder le fait que les anges sont apparus à certaines personnes et le fait de dire que les anges font partie du monde de l'invisible? Donc comment peut-on dire qu'ils font partie du monde de l'invisible alors que certaines personnes les ont vus? Et le cheikh, il répond en disant que lorsqu'une chose est très rare, lorsqu'une chose arrive rarement, elle ne vient pas annuler la règle générale qui est confirmée. Parce que la base, ou la règle de base, c'est que on ne peut pas voir les anges parce qu'ils sont, ils font partie d'un monde de l'invisible. De même que les djinns, la base c'est qu'on ne peut pas voir les djinns parce qu'ils font partie d'un monde invisible. Toutefois, ça peut arriver que des gens les voient, ça peut arriver que des gens puissent les voir. Et le cheikh dit que les choses qui sont rares et qui n'arrivent que rarement, eh bien, on ne les considère pas dans le jugement, dans le verdict ou dans la règle. C'est comme on dit en français souvent, c'est l'exception qui fait la règle. C'est l'exception qui fait la règle. Donc, c'est pour dire que le fait que certaines personnes ont vu les anges, ça c'est une exception et c'est très minime comparé à la règle générale qui fait que les gens en général ne les voient pas. Ensuite, le Cheikh dit وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا فَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ الْمُوَكَّلُ بِالْوَحِي يَنْزِلُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَمِنْهُمْ مِكَائِيلُ الْمُوَكَّلُ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ. Donc, le Cheikh, il explique que nous devons croire que les anges, ils ont des tâches que Allah subhanahu wa ta'ala leur a chargé de faire et qui leur sont respectives. Et il explique le Cheikh en disant, il dit قوله ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلف بها الأول إيمان بوجودهم وكيفية أجسامهم الثاني أعمالهم. Donc premièrement, quand on dit qu'on doit croire en les anges, on doit croire qu'ils ont des œuvres qui leur sont particulières, que Allah leur a chargé de faire ou que Allah les a chargés de faire. Donc c'est de croire en leur existence et la manière dont Allah les a créés, hein, dans leur forme et leur corps. Et deuxièmement, les actions qu'ils font. C'est quoi leur tâche? Donc, il mentionne parmi les exemples, l'exemple de Jibril alayhi salam, qui est chargé de la transmission de la révélation. Donc lui, son travail à Jibril, c'est de ramener la révélation aux messagers et aux prophètes. Donc il descend de la part d'Allah sur ceux que Allah a voulu parmi ses prophètes et ses messagers pour le transmettre le message. Et il dit le Cheikh à ce sujet-là, قوله فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق وشرف العمل يدل على شرف العامل وشرف العمل يدل على شرف العامل. Donc le Cheikh il explique que étant donné qu'il est chargé de transmettre la révélation aux messagers et aux prophètes, il dit en se basant là-dessus, on peut comprendre que Jibril est le meilleur des envoyés parmi les anges. Donc c'est le meilleur des envoyés. Pourquoi c'est le meilleur des envoyés? Parce que Allah là, lui a donné une tâche particulière qui est la révélation. Et c'est de transmettre la législation à la création. Et ça c'est, c'est quelque chose qui indique la noblesse, et l'honneur de Jibril. Puisque la noblesse de l'action ou du travail indique la noblesse de celui qui fait le travail en question. Donc, étant donné qu'il est noble, Allah lui a donné un travail noble à accomplir. Et il est anobli par ce travail-là en plus. Donc ça, c'est ce que le Cheikh a expliqué ici. Et il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مِكَائِيلُ وَمِنْهُمْ مِكَائِيلُ الْمُوَكَّلُ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ. » Et il y a parmi les anges aussi Mikaïl. C'est un autre ange. Et Mikaïl, il est chargé de la pluie et des plantes. Et il explique ici que il dit Jibril, Mikaïl, il dit فَالْمُوَكَّلُ بِالْمَطَرِ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْأَرْضِ وَبِالنَّبَاتِ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْأَرْضِ هو ملك ملك واحد ولكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن فالملك أقوى من الجن وأقدر ففي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت محدد يقوم فيه وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فالذي عنده علم من الكتاب قال العلماء رحمهم الله إنه دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان عليه السلام فهذا أبلغ من الأول بلا شك يقول فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. Donc le cheikh il mentionne ensuite l'exemple de Michael qui est responsable de la pluie et des plantes et il dit que celui qui est chargé de la pluie à n'importe quel endroit sur terre et de faire pousser les plantes à n'importe quel endroit sur terre, c'est un seul ange. Mais sa capacité, elle est immense et elle n'est pas comparable à la force ou à la capacité des êtres humains ni des djinns. Parce que les anges sont plus forts que les djinns et ils ont plus de capacité que les djinns. Et les djinns sont plus forts que les êtres humains et ont plus de capacité que les êtres humains. Et on peut voir un exemple de ça dans l'histoire de Sulayman alayhi salam, lorsqu'il mentionne dans Surat al-Naml, le verset 38, lorsque Sulayman alayhi salam a demandé à ce qu'on ramène pour lui le trône de la reine de Saba, Bilqis, la mention dans le verset, comme on va le lire, ça disait que un d'entre les djinns, yani, je vais vous le montrer, le verset 38, donc ça dit, il dit, ô notable, qui de vous m'apportera son trône, c'est-à-dire le trône de Bilqis, avant qu'il ne vienne à moi soumis, parce que Bilqis, et son armée venait pour retrouver Sulayman ou pour rencontrer Sulayman du Yémen jusqu'à Bayt al-Maqdis. Et donc il a dit, qui va me rapporter son trône? Alors un djinn parmi les djinns redoutables qui étaient présents, il a dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, car je suis fort et digne de confiance. Et il dit, et quelqu'un qui avait, donc le djinn lui, il a dit, je te l'amène avant que tu te lèves de ta place. Donc c'est rapide. Il va prendre le trône, il le ramène avant qu'il se lève. Et un autre qui avait la connaissance du livre a dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Donc ça c'est encore plus rapide que le premier. Et il dit, quand ensuite Salomon vu le trône installé auprès de lui, il dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Donc le cheikh il a cité donc ce verset là. Et qu'est-ce qu'il explique par la suite? Il dit que celui qui avait la connaissance du livre, les ulama de tafsir ont expliqué que c'est quelqu'un qui avait invoqué Allah par son plus grand nom et les anges ont ramené donc le trône de Bilqis jusqu'à ce qu'il soit présent là où se tenait Sulayman. Et donc ça c'est clair que c'est encore plus rapide que ce que l'autre avait proposé. En un clin d'œil, il a ramené le trône. Et c'est qui est-ce qui l'a ramené le trône dans cette rapidité là? C'est les anges. Donc ça montre que les anges sont encore plus rapides même que les djinns. Et le cheikh il dit فَلَمَّا رَأَهُ, donc lorsqu'il l'a vu, Il est installé près de lui, il a dit, ça c'est de la grâce de mon Seigneur. Ensuite, le cheikh, il explique, il continue, il dit, « وَمِنْهُمْ » parmi les anges, il dit, « وَمِنْهُمْ إِسْرَافِيلِ الْمُوَكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي السُّورِ حِينَ السَّعْقِ حِينَ السَّعْقِ وَالنُّشُورِ » Donc, le cheikh, il explique que parmi les anges, il y a également l'ange qui s'appelle Israfil, et cet ange-là, il est chargé de souffler dans le clairon, lorsqu'il y a le foudroiement et lorsqu'il y a le rassemblement des hommes au jour de la résurrection. Donc, mais avant ça, je m'excuse, j'ai oublié, il reste une explication à propos du verset de l'histoire de Sulayman que j'ai oublié de terminer. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit à ce sujet-là, « وَقَوْلُهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ أورد بعض النحاة إشكالا على هذا وهو أن المعروف من الجار والمجرور يكون عامله محذوفا تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت ولا يصح أن تقول مستقر في البيت وهنا قال مستقرا عنده فأجابوا عن ذلك بأن الاستقرار نوعان استقرار عام وهو متعلق الظرف والجار والمجرور وهذا لا يذكر واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره فيكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مدة حتى صار مستقرا في هذا المكان فليس المراد بذلك الاستقرار العام لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق bon je l'avais pas traduit, j'avais oublié de lire ce passage là, mais c'est un passage qui est relié à quelque chose qui a un rapport avec la grammaire, d'accord? Et donc, on va pas traduire ce passage-là parce que les passages des questions grammaticales, je les traduis pas. D'accord? Donc, on va passer directement à la suite. Qu'est-ce qu'on expliquait à propos de Israfil? Israfil, c'est celui qui est chargé de souffler dans le clairon au jour de la résurrection, à la fin des temps. Et, il y a plusieurs coups de clairon et on va l'expliquer. شيخ ابن عثيمين الذي إسرافيل عليه السلام هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور وكله وكله الله تعالى بالنفخ فيه والصور قال العلماء في وصفه إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض ينفخ فيه وإذا كان النافخ ملكا ينفخ فيه وإذا كان النافخ ملكا والملك قوي والمنفوخ فيه قرنا واسعا سعة السماء والأرض فإن صوته سيكون شديدا ولهذا يفزع الناس ويصعقون يعني يموتون من شدة ما سمعوا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ولهذا قال حين الصعق هي واحدة والنشور هي الثانية ولهذا كان الراجح أن النفخ في الصور اثنتان نفخة الصعق وهي نفخة الفزع ولكن يفزعون أولا ثم يصعقون ونفخة البعث donc le cheikh il explique, il dit que Israfil, donc il est l'ange chargé de souffler dans le clairon et c'est Allah qui l'a chargé de souffler. Et il dit que le sour en arabe, c'est le clairon. On le traduit par le clairon ou bien la corne, ou bien on peut le traduire aussi par la trompe. Il y a différentes façons comment les ulama l'ont traduit, mais c'est un outil par lequel on souffle dedans et ça produit un son. Hein, ça produit un son. Et les ulama l'ont décrit en disant que c'est un clairon ou plutôt une trompe ou une corne. Hein, comme ici c'est mentionné, corne, hein, comme une corne, qui est immense, et sa grandeur est comme la grandeur des cieux et de la terre. Donc c'est un clairon, ou bien c'est une trompe, ou une corne immense, et on souffle dedans. Et celui qui souffle dedans, c'est un ange. Et l'ange, on sait que l'ange, il est fort, il est puissant. Et donc, on sait que l'objet dans lequel on souffle est immense aussi, aussi grand que les cieux et de la terre. Donc, le son qui va être produit par cet instrument ou bien par cet objet, c'est un son immense, hein, extrêmement fort et puissant. Et il est tellement fort et tellement puissant que les hommes vont être effrayés et foudroyés par ce bruit. Même qu'ils vont même mourir, hein, tout ce qui est vivant va être mort à cause de ce bruit-là, tellement il est fort. Donc quand les hommes vont l'entendre, hein, ça va être plus fort que tout ce qu'ils ont jamais entendu de toute leur existence. Et c'est pas un son, hein, qui est juste, comme par exemple, des fois tu entends un bruit ou une alarme ou quelque chose, c'est fort. Tu l'entends qui provient d'un endroit. Hein? Mais l'ange, quand il va souffler dans cette corne, ça va être l'univers entier qui va être secoué. C'est pas seulement un endroit de la terre, non. C'est les cieux et la terre au complet qui vont trembler, qui vont être détruits. Hein? Et les êtres humains et les êtres vivants. Et donc ça, c'est le premier coup qu'on appelle as-sa'iq, hein? Le foudroiement. Et il dit que ça c'est le premier coup. Puis le deuxième coup, c'est lorsque les hommes reviennent à la vie. Ils sont ressuscités et ils se tiendront debout en train de regarder. Comme c'est mentionné à la fin de Surat al-Zumar. Munufikha fi suri, fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa'idha hum qiyamun yanzurun. Hein? Et il dit que donc le premier coup c'est le coup du foudroiement et le deuxième c'est le coup du rassemblement. Et il dit c'est ça la position la plus authentique, la plus correcte par rapport à la question, qu'il y aura donc deux coups de la corne ou bien de clairon. Le premier coup c'est le foudroiement et il dit que c'est l'effroi, hein, la crainte, la peur. Et il dit pourquoi on l'appelle Nafratul Fazi', parce que les gens sont effrayés puis après sont foudroyés. Puis ensuite l'autre coup de clairon qui est pour le rassemblement et la résurrection. La résurrection et le rassemblement. Il parle maintenant de d'autres parmi les anges, sauf qu'avant ça il mentionne un point. Il dit Fa'ida Israfil warada annahu من حملة العرش أما جبريل وميكائيل فلم يرد. Le cheikh il mentionne un point qui dit que comme c'est rapporté dans une parole d'Abdullah ibn Abbas que Israfil fait partie des anges qui portent le trône. Ensuite le cheikh il dit ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. Donc il y a l'ange de la mort aussi. Ça c'est un autre parmi les anges qui est chargé de recueillir les âmes au moment de la mort. Et le cheikh Ibn Uthaymeen il dit à propos de ce point là il dit وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. C'est le verset 11 dans surat al-Sajda qui prouve le point, puisque Allah il dit dans ce verset ce qui signifie, dit, c'est l'ange de la mort qui viendra prendre vos âmes, celui qui a été chargé de vous. Et il dit, وَوَرَدَ فِي بَعْدِ الْإِسْرَائِلِيَاتِ أَنَّ اسْمَهُ عِزْرَائِيلِ وليس كذلك ولهذا لا يحل لنا أن نسميه عزرائيل لعدم ثبوت ذلك عن المعصوم بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت. Il dit qu'il y a certaines narrations israélites qui disent que son nom, l'ange de la mort, c'est Israël, mais c'est pas le cas. Le cheikh il dit on n'a pas le droit de l'appeler Israël parce que cela n'a pas été rapporté de manière authentique de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on ne doit pas l'appeler de cette manière. On doit dire comme Allah a dit, l'ange de la mort, Malakul Maut. Hein? Et les koufars, ils ont différents noms pour appeler la mort. Hein? Ils l'appellent différents noms. Parmi les noms qu'ils donnent à la mort, ou bien les représentations qu'ils donnent à la mort, c'est le c'est comme un genre de monstre avec un grand manteau puis une capuche sur sa tête ou une cape avec une fourche. C'est comme si un long bâton avec un couteau. Celui qu'on utilise pour faire les moissons, là, couper les blés. Donc il se promène avec ça, puis il le représente de cette manière. Bon, pour nous les musulmans, là, on n'a pas le droit de faire ce genre de représentation-là quand on parle de la mort, puisque c'est pas de cette manière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que la mort était. Plutôt, c'est un ange, hein, la mort. Dans la langue française, il y a différents noms qui sont donnés à la mort. Oui, c'est ça. Donc, c'est le squelette. Hein? La forme d'un squelette, c'est la figure qui est donnée pour représenter la mort. Il l'appelle la camarde. C'est une figure allégorique de la mort qui est représentée par... Un squelette. En tout cas, il y a d'autres choses aussi, mais pour nous, hein, on n'a pas ce genre de choses-là, non. On n'y croit pas. Nous, on croit que c'est un ange que Allah envoie pour recueillir les âmes des hommes. Hein. Et le cheikh dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَقَوْلِهِ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَقَوْلِهِ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ فَالْجَوَابُ إِسْنَادُ الْوَفَاةِ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ إِسْنَادُ الْأَمْرِ إِلَى أَهْلِهِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الرُّسُلَ الَّذِينَ يَقْبِضُونَ الْأَرْوَاحَ إِنَّمَا يَقْبِضُونَهَا بِأَمْرِ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ بَنَى الْمَلِكُ الْمَدِينَةَ أَيْ أمر ببنائها إذن الله يتوفى الأنفس لأنها بأمره وإنما أضاف الله الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الأرواح وأضافه إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن قبضها ملك الموت ويضعونها في يده لا يضعونها في يده طرفة ثم يكفنونها بالكفن الذي معهم. نعم. Donc le cheikh il explique que en fait c'est une question qu'il pose. Il dit comment pouvons-nous réunir entre les différents versets qui mentionnent différentes choses à propos de la mort et des anges. De l'ange de la mort et des anges. Il dit premièrement dans un verset, et il cite le verset 42 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que c'est lui qui prend les âmes au moment de leur mort. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Donc, c'est-à-dire Allah prend les âmes hein, au moment de leur mort. Hein? Donc, ici, ça veut dire comme si c'est Allah qui prend les âmes des hommes lorsqu'ils meurent. Et dans l'autre verset, le verset 11 dans Surat As-Sajda qu'on a lu tantôt, il dit قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, dit c'est l'ange de la mort qui prend vos âmes. Puis dans l'autre verset qui est le verset 61 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Hein? C'est-à-dire nos anges, hein, ou bien plutôt nos messagers, en voulant dire nos anges, prennent vos âmes, ou bien prennent son âme. Nos anges, nos messagers prennent son âme. On a dit le verset 61. C'est-à-dire ils enlèvent son âme sans aucune négligence. Hein? Lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers enlèvent son âme sans aucune négligence. Donc, comment on rassemble entre ces trois versets? Le fait que Allah donne la mort ou prend l'âme, ou que l'ange de la mort prend l'âme de celui qui meurt, ou bien les messagers prennent l'âme de celui qui meurt au moment de la mort. Et le cheikh, il répond à ça en disant que le fait d'attribuer ou d'associer la mort à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est lui qui prend les âmes, on le dit dans le sens que c'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui donne le commandement aux anges de la mort, à l'ange de la mort de prendre les âmes de ceux qui meurent. Donc, étant donné que c'est lui qui donne l'ordre, donc on peut dire dans ce cas-là que c'est lui qui prend leur âme. Hein? Il dit, parce que l'ange de la mort prend l'âme de celui qui meurt par le commandement d'Allah. C'est comme lorsqu'on dit, par exemple, et le cheikh il a donné cet exemple-là, il a dit c'est comme quand le roi, par exemple, c'est comme on dit à propos du roi, le roi a fait construire cette ville. Donc, si on dit par exemple, le cheikh il dit, le roi a construit cette ville, le cheikh il dit, c'est pas le roi lui tout seul qui a construit la ville. Mais il a ordonné à ce que on la construise. Il a ordonné aux gens de la construire. Donc, lorsqu'on dit Allah prend les âmes hein, de la personne au moment de sa mort, c'est parce que c'est Allah qui a ordonné que on prenne son âme, et donc on a attribué ou bien on a associé la mort de cette personne à Allah parce que c'est Allah qui a ordonné à l'ange de la mort de prendre son âme. Hein? وإنما أضاف الله donc et quand Allah associe ou attribue le fait de prendre l'âme à l'ange de la mort parce que c'est lui qui est chargé de prendre les âmes lorsque quelqu'un meurt et lorsqu'il associe la mort hein, ou le fait de prendre les âmes aux messagers parmi les anges les autres anges eh bien il dit c'est parce que eux ils prennent une fois que l'ange de la mort a arraché ou enlevé l'âme de la personne qui est morte, eh bien, ces messagers-là, eux, ils se chargent tout de suite, immédiatement, automatiquement, de l'arracher d'entre les mains de l'ange de la mort pour la mettre dans le kafan, hein, qu'ils ont avec eux. Hein, le chose dans lequel ils gardent l'âme lorsque l'ange de la mort a terminé de l'arracher. Donc, soit que c'est une personne qui est bonne ou mauvaise, ça va être différent, comme c'est mentionné dans le hadith. Ensuite, le cheikh dit wa minhum malakul jibal. Il y a également l'ange qui est chargé des montagnes et qui s'occupe des montagnes. Bon, comment il s'occupe des montagnes? C'est ça ce qu'on va expliquer. Le cheikh dit kama jaa fi sahih fi al hadith al sahih hina raja an nabiy sallallahu alayhi wa sallam min ahli al ta'if ba'da an da'ahum ولم يفق إلا في قرن الثعالب لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه حيث اصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخرية به وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام فطرد مشردا على هذا الوجه وهذا أمر صعب أكثر مما فعله أهل مكة به عند الهجرة ولذلك لم يفق صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب فأتاه جبريل عليه السلام وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال يعني مره بما تشاء يقرئك السلام ويقول إن شئت أطبقت الأخشبين عليكم عليهم يعني أطبقت الأخشبين عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الشدة العظيمة بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله اللهم صل على محمد وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه وإلا لكانت هذه فرصة أن يطبق عليهم الأخشبين ويهلكوا جميعا لكنه صلى الله عليه وسلم ليس يدعو الناس لنفسه وإنما هو كما أمره ربه بقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc le cheikh il dit que l'exemple du fait qu'il y a des anges qui sont chargés des montagnes, c'est qu'est-ce qui est rapporté dans le hadith authentique à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti vers Taif, la ville de Taif, hein, qui est pas loin de Mecca. Il est parti là-bas pour les inviter à l'islam et pour essayer de chercher un support dans la propagation de la religion d'Allah. Sauf que les gens de Taif ont mal agi envers lui et l'ont accueilli avec des pierres qu'ils ont envoyé leur faibles d'esprit et leurs esclaves et les enfants lui lançaient des cailloux. Ils le chassaient, hein. Et donc ils l'ont blessé même à faire même que il a été blessé à son pied et son pied était plein de sang à cause de ça. Hein, son talon était coupé avec une pierre. Donc c'est pour dire que ça a été une expérience très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus dure encore que ce qu'il avait subi de la part des habitants de la Mecque. Et c'est pour ça que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était avec son servant, je pense que c'était Zayd radiyallahu anhu, et lorsqu'il était arrivé à un certain endroit qu'on appelle Qarnul Al-Tha'alib, Jibril est venu le voir et il lui a dit, hein, il lui a dit alayhi salam, voici l'ange de la montagne, hein, voici l'ange de la montagne. Il a dit ordonne lui ce que tu veux. Il te passe le salam et il dit si tu veux il prendra ces deux montagnes et il va les écraser les habitants de Taif avec. Alors qu'est-ce qu'il a dit le cheikh, hein, qu'est-ce qu'il mentionne, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette offre qui lui a été présentée? Eh bien, malgré la situation difficile qu'il a subie de la part des gens de Taif, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiallahu anha, elle a dit non, je leur laisse, hein, je les laisse, hein, je ne veux pas me venger d'eux. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de leur progéniture et de leur descendance des gens qui vont adorer Allah. Hein? Et donc le cheikh il a dit Allahumma salli ala Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala mette sa bénédiction, hein, son salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus éloignée de vouloir se venger pour sa propre personne. Exactement. Donc, le cheikh, il explique, il montre que ça, c'est un signe de la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'en même temps, il ne cherchait pas à se venger hein, des koufars qui lui ont fait du tort pour sa propre personne. Hein? Le cheikh, il dit, sinon c'était l'occasion pour lui. Hein? Il a l'offre de la part de l'ange des montagnes de les écraser entre deux montagnes. Entre deux montagnes, ils pourraient être tous écrasés et il n'y en aurait même pas un seul qui resterait vivant. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'appelle pas à sa propre personne. Hein? Mais il fait uniquement selon ce que Allah lui a ordonné. Hein? Et il mentionne le verset 125 dans Surat al-Nahl à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et argumente avec eux de la meilleure façon. » Donc, le cheikh, il a mentionné ce point-là et il dit, et ça tu vois, en même temps aussi c'est la réfutation, même on peut utiliser ça comme un exemple pour réfuter ceux aujourd'hui qui veulent par exemple utiliser des moyens pour se venger des koufars lorsque les koufars par exemple rejettent la foi ou bien font du tort aux musulmans et puis qu'ils pensent qu'en se vengeant hein, ou en faisant des attentats il y a un bien dans le fait de faire ça pour l'islam et les musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici on a vu son exemple. Quand les koufars lui ont lancé des pierres et se sont moqués de lui, ils l'ont chassé, il n'a pas cherché à se venger. Hein? Il aurait pu toutes les faire détruire jusqu'au dernier. Mais ce n'est pas ça son objectif. Lui, il ne veut pas détruire les gens, tuer les gens, exterminer les gens. Non, il veut les guider. Il veut les amener à la foi. Il veut les rapprocher de la vérité. Il veut leur faire en sorte de les faire rentrer au paradis par la permission d'Allah. Donc, le fait de s'il les tue, hein, ou s'il meurt, eh bien, c'est fini. Il peut pas les amener à la foi et les guider à l'islam s'ils sont morts. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, non, laisse-les. Peut-être que de leur descendance ou de leur progéniture, il va y avoir des serviteurs, des gens qui vont adorer Allah hein, et qui vont pas faire de shirk. Hein. Donc, ça c'est un exemple pour réfuter ceux qui appelle aujourd'hui à des actes de terrorisme et à se faire sauter ou à se faire exploser pour tuer des gens qui, en grande partie du temps, sont des innocents, des gens qui n'ont rien à voir avec le combat ou avec les injustices qui sont faites aux musulmans. Et eux, ils font donc ce genre d'actes-là. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose que Allah déteste. Le cheikh, il dit ensuite, « Wa min huna » ننطلق إلى أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو إلى الله لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إبراد الغيرة لأن هذا خطأ أدعو إلى ربك فأي وسيلة يحصل بها المقصود ولو كان فيه غضاضة عليك فاعملها حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك ولكن ترجو أن يصلح فاصبر لأن هذا هو المقصود وليس أن تطفئ حرارة الغيرة أو تنتقم لنفسك بل المقصود إصلاح هذا الرجل إلى دين الله عز وجل لا تكن ممن يدعو إلى نفسه بل كن ممن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لو أفضى الحال إلى أن تضحك في وجه الفاسق من أجل إدخال السرور وعليكم السلام من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل فقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق كبير رجاء الإصلاح وذلك في غزوة الحديبية حيث حصل من جملة الشروط الثقيلة أن يرد هذا الذي جاء معتمرا إلى بيت الله عز وجل بينما لو جاء أعرابي من أخبث الناس شركا ليعتمر فإنه لا يرد وهذه غضاضة عظيمة إلى آخره. Donc on va s'arrêter ici, on va pas s'arrêter ici mais je veux dire on va traduire jusqu'ici puis on va continuer. On va traduire la suite après. Le cheikh il dit donc on peut maintenant à partir de ce point-là parler d'une chose par rapport à la da'wah, c'est que la personne qui appelle à Allah, elle doit ressentir en elle-même qu'elle invite à Allah, hein, pas pour imposer son pouvoir, pas pour compléter sa parole ou éteindre ou refroidir sa colère ou sa jalousie. Il dit non, ça c'est une erreur. Invite à Allah, c'est-à-dire tu dois inviter à ton Seigneur, et il dit tous les moyens qui sont permis en islam, par lesquels tu peux faire en sorte que l'objectif que tu cherches à atteindre soit atteint, même s'il y a dans ça une dureté ou une difficulté ou quelque chose qui est difficile pour toi, fais-le quand même. Il dit, si tu vois par exemple quelqu'un qui fait une mauvaise action devant toi, mais que toi tu espères ou que tu souhaites que cette personne-là se réforme et qu'elle devienne meilleure, alors dans ce cas-là, fais preuve de patience avec la personne et sois patient avec elle. Parce que ton objectif c'est ça et ton but c'est ça. Et donc tu veux pas juste essayer d'éteindre ta jalousie ou ton sens de l'honneur et ta colère. Hein, tu veux te venger pour toi-même. C'est pas ça le but. Hein, c'est pas ça le but. Quelqu'un voit quelqu'un qui fait un péché, tu dis ah, astaghfirullah, comment il fait ce péché-là? C'est sûr que ce péché-là c'est détestable. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on déteste. C'est sûr qu'on n'aime pas cette chose. Mais il faut voir plus loin que ça. Il faut voir plus loin que ça. Il faut voir qu'est-ce que toi tu essaies d'obtenir ou quel ton objectif c'est quoi. Ton objectif c'est de faire rentrer cette personne dans la religion d'Allah ou de réformer cette personne pour qu'elle devienne un meilleur musulman. Hein? Donc, ne sois pas de ceux qui appellent à eux-mêmes. Ne sois pas de ceux qui appellent à eux-mêmes, mais plutôt, sois de ceux qui appellent à leur Seigneur avec sagesse, avec la bonne exhortation. Même si ça amène à un état dans lequel le pécheur, il va rire dans ton visage. Hein? Mais plutôt que toi tu vas rire dans son visage, dans le sens tu vas rire en le voyant, comme si tu vas pas être renfrogné et un regard méchant, parce que tu dis ah lui c'est un pécheur, lui c'est quelqu'un qui fait des péchés, donc je vais pas être souriant avec lui, je vais être dur avec lui, je vais être méchant avec lui pour lui faire sentir la laideur de ce qu'il fait, hein. Donc quand il vient te parler, au lieu de lui parler avec douceur et avec sagesse, avec bonne exhortation, puis de lui parler avec un sourire, non, tu le regardes, tu lui dis qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il vient ici, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me parle, hein? Ou bien regarde ce gars-là, il désobéit à Allah, il fait des péchés, astaghfirullah, hein? Il n'a pas honte, non. Sois patient et appelle-le, invite-le avec sagesse, avec la bonne exhortation, tu lui donnes le sourire, hein, tu l'invites. Et pense aussi, parce que les ulama ils ont dit ça, quand tu fais la da'wah, regarde les priorités auxquelles tu dois appeler et les choses les plus importantes quand tu vas faire cette da'wah. Ok? Si tu vois par exemple quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et fait des péchés, ok? Puis tu dis, bon, la personne elle vient à la mosquée, elle fait la salat. Sauf que cette personne, il y a certaines choses en elle qui ne sont pas correctes. Soit dans sa façon de s'habiller, ou dans la façon de, que ses cheveux, ou son apparence, et peut-être elle rase sa barbe, ou des choses comme ça. Donc tu dis, si je l'attaque par rapport à son apparence, ou par rapport à qu'est-ce qu'elle porte sur elle, ou des choses qu'elle a, ses cheveux, ou sa barbe, si je lui fonce dessus, et si je lui parle de ça directement, peut-être que ça va amener la personne à plus venir prier. Hein? Alors déjà qu'elle vient prier, ça c'est déjà une bonne chose. Hein? Donc, qu'est-ce qui est mieux que la personne, elle vienne faire la salat en jama'a à la mosquée, alors qu'elle a ces erreurs-là, ou bien qu'elle continue d'avoir ses erreurs et ses problèmes, mais qu'elle ne vienne plus faire la prière en jama'a? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour cette personne? C'est qu'elle continue à vouloir venir faire la salat. Donc, il y a une façon donc de mettre d'analyser la situation pour voir où est-ce qu'il est le plus grand bien dans le fait d'agir avec cette personne-là. Peut-être que les défauts ou les problèmes qu'elle a dans sa religion par rapport à ses apparences ou par rapport à des choses comme ça, les péchés qu'elle fait, ça peut être réglé en d'autres temps et d'une manière graduelle ou bien d'une façon plus sage que de l'attaquer directement sur ce point-là. C'est comme un kafir ou un mushrik, tu vois, qui fume la cigarette ou bien qui vit avec une femme qui n'est pas mariée avec elle, il est mushrik. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Que tu commences par lui dire, tu ne dois pas vivre avec cette femme, laisse-la. Hein? Parce que ça, c'est le zina, c'est haram. Ou bien de lui dire, il faut croire en Allah et tu ne dois pas adorer d'autre que lui. C'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Hein? Bien entendu, le plus important, c'est de l'appeler au tawhid avant. Parce que si tu l'appelles à abandonner le zina, mais qu'il continue à faire le shirk et qu'il meurt, hein, il est dans l'enfer pour l'éternité, même s'il ne fait plus le zina. Tandis que s'il cesse de faire le shirk et qu'il continue à faire le zina, mais qu'au moins il a prononcé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et il croit en le tawhid et qu'il meurt sur le tawhid avec son péché, eh bien ça c'est moins pire, parce qu'il a un espoir pour le paradis, et il a même que c'est possible que Allah lui pardonne peut-être son péché qu'il faisait, parce qu'il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Tandis que le shirk, celui qui meurt sur le shirk, il n'a pas d'espoir pour aller au paradis. Donc il faut utiliser, hein, la bonne compréhension et analyser bien comme il faut les situations pour voir qu'est-ce qui a la priorité, hein, et de voir où se tient le plus important, hein, dans la da'wah. Donc quand tu vois un mushrik, il est en train de se prosterner à une idole, ou il prie à Jésus, un chrétien qui prie à Jésus, ou un juif qui renie la révélation, ou des choses comme ça, puis tu le vois en train de faire le riba, ou de faire le zina, ou de boire de l'alcool, ou de d'autres péchés comme ça, il faut donner la priorité au tawhid et à la foi en premier, puis ensuite les autres choses. Hein? Et donc le cheikh il dit ensuite, donc si tu dois lui sourire, un musulman qui fait des péchés, qui est loin de l'islam, loin de la sunna, hein, tu le vois, hein, ou même par exemple des fois t'as peut-être dans ton immeuble, dans là où tu habites, hein, Peut-être que tu as un voisin ou une voisine, des gens qui habitent proche de toi. Ou bien, hein? Ta femme, elle croise ta voisine tous les jours qui est musulmane. Elle ne porte pas le hijab. Hein? Mais elle est musulmane. Hein? Peut-être qu'elle prie à la maison. Elle ne porte pas le voile. Elle travaille. Est-ce que tu vas dire, ah, cette femme-là, elle ne porte pas le hijab. Hein? Donc, ma femme ne doit pas lui dire salam. Non. Hein? Elle va la voir, cette femme, elle va lui dire le salam. Salamu alaikum, wa alaikum salam. C'est pas parce que ta femme elle porte le hijab, niqab, jilbab, elle est voilée de la tête aux pieds. Quand elle voit une autre femme musulmane qui n'est pas voilée, elle ne lui passe pas le salam. C'est pas correct. Hein? Ou bien, toi tu portes le qamis avec la barbe et le chapeau. Tu passes à côté d'un musulman qui rase sa barbe, tu dis pas salam. Non, lui, il ne porte pas la barbe, je lui dis pas le salam. Quelle idée il va avoir dans sa tête, lui, quand il te voit agir comme ça? Hein? Oh, lui, il pense qu'il est meilleur que moi. Ou bien, oh, lui, il me donne pas le salam. Pourquoi? Parce que j'ai pas la barbe. Hein? Mais quand tu lui donnes le salam, après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, subhanallah, je savais pas que ces gens-là, ils étaient, hein, gentils. Je pensais pas que ces gens-là, il considère quand même que je suis un musulman, que je suis son frère. Hein? Et déjà, on a vu des exemples comme ça. Quand on a mis en application ces exemples-là, hein, une femme qui porte jilbab, niqab, voilée de la tête aux pieds, elle passe à côté d'une femme musulmane qui ne porte pas le voile, elle lui dit assalamu alaikum. La personne est tellement surprise. Ah, subhanallah! Hein? Vous êtes des musulmans, vous êtes sur la voie des salafs, vous suivez la salafia, la aqida, l'islam, mais habituellement les gens comme vous, ils ne nous disent jamais salam. Ils nous traitent comme si on n'est pas musulmans. Et vous n'êtes pas comme ça, comment ça se fait? Et là, la personne elle commence à changer sa façon de voir les gens qui s'accrochent à la sunna. Et elle commence à se sentir même rapprochée plus de la sunna. Justement à cause de ce comportement-là. J'ai vu certains musulmans dans certains pays, comme par exemple certains musulmans au Maroc, par exemple. Si un musulman pratique l'islam et il a une apparence comme si religieuse parce qu'il porte la barbe et il respecte les conditions des vêtements pour comment s'habiller selon l'islam, il dit « Ah, lui, c'est un akh, c'est un frère. » Puis, un autre musulman qui prie, qui vient à la mosquée, mais qui l'a pas, il laisse pas pousser sa barbe, il dit, ah lui, c'est pas un ah, c'est pas un frère. Comment ça, c'est pas un frère? Est-ce que parce qu'il rase sa barbe, il est kafir? Hein? Non. C'est un musulman, donc c'est ton frère. Innama al-mu'minuna ikhwa. Les musulmans ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Donc ça, je dis ça comme un exemple. Ça peut arriver des musulmans de différents pays, pas seulement du Maroc, mais ça c'est juste un exemple que je dis parce que j'ai eu des expériences avec un frère comme ça, hein, et je lui disais, Ari, pourquoi tu dis ah, et lui tu dis pas ah, et lui tu dis ah, lui tu dis frère et l'autre tu dis pas frère, alors que lui aussi c'est ton frère, hein, et je sais pas d'où ça vient cette mentalité là. Des fois, je me disais, peut-être ça vient des frères musulmans. Parce que eux, ils appellent frères seulement ceux qui sont avec le groupe des frères musulmans. Si tu es avec le groupe des frères musulmans, tu es un frère. Même si tu ne pratiques pas. Hein? Allah al-Musta'an. En tout cas, ça, c'est pas correct. Et le musulman, si tu lui fais la da'wa, ou même le kafir, si tu lui fais la da'wa, tu as le droit de lui sourire, tu as le droit d'être. Hein, d'agir avec lui correctement. Tu rentres le bonheur et la joie dans son cœur. Tu le prépares à accepter la vérité. Hein? Et le cheikh, il a expliqué, il dit, فَقَدْ تَنَازَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ حَقٍ كَبِيرٍ. Ah, il est 7 heures déjà. Ok, bon, on va s'arrêter ici, hein, parce que j'avais pas vu l'heure. Je pense que bientôt on va être obligé de changer l'heure de la prière d'Aïcha parce que le temps commence à être un peu serré entre le Maghrib et l'Aïcha. Donc on va ajuster ça, inshallah, probablement durant la semaine, inshallah. Donc c'est le cours 66 aujourd'hui, donc le prochain c'est 67. Donc on va expliquer au prochain cours les exemples que le cheikh il a mentionné par rapport à l'entente de paix qui a été signée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les mushrikines lors de Al-Hudaybiyah, et comment dans certaines de ces clauses ou certaines des clauses de ce traité de paix, il y avait des conditions très dures c'est-à-dire qui n'étaient pas avantageuses, hein, qui est le contraire d'avantageux. Comment on dit le contraire d'avantageux? Désavantageuses, hein, c'est ça. Qui étaient désavantageuses pour les musulmans, hein. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a acceptées. Pourquoi? Parce que à long terme, ces conditions-là, il savait que à long terme, ça allait ramener un plus grand bien pour les musulmans. D'accord? Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.